le sol. C'est le sol qui me fait chier. Déjà ? Vous savez. Tout à fait. tout à l'heure. Corpo.